jour. Nous voilà en direct sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac Aïdé. Et aujourd'hui, nous recevons l'association Les Pimpronelles avec Christophe Casacoli qui va nous parler biodiversité, etc. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Josy. Bonjour Claudie. Bonjour tout le monde. Bonjour Monique. Bonjour l'équipe Bric-à-Brac. Bonjour Alain. Et bonjour à tous. Voilà. Donc monsieur Casacoli, Christophe. Oui. Oui, ça sera plus simple. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez appelé votre association Les Pimpronelles? Alors, en 2007, lorsqu'on a commencé notre petite aventure, en fait, on cherchait un nom qui soit à la fois léger, pas de prise, pour pas se prendre au sérieux. Et puis, on voulait aussi rester un petit peu en lien avec tout ce qui est l'imaginaire de l'enfance. Pimpronelles et Nicolas. Voilà. Puis après, tout le reste est venu avec. Voilà. Mais c'est mignon comme tout. Donc, votre association, elle parle de quoi? Elle s'intéresse à quoi? Alors, mon association, d'ailleurs, juste un petit mot supplémentaire. En fait, la pimpronelle, c'est une petite plante structure. Plante du champ qu'on trouve dans les vignes et tout. Et très discrète et tout. Et c'est un petit peu à l'image de ce qu'on veut justement transmettre. C'est que notre association, c'est une manière de parler de la biodiversité en général, même de celle qui n'est pas visible, forcément très visible, reconnue de tous, pour montrer que chaque chose a une importance. Quelque chose a une place. Donc on est pour ça, pour faire connaître la biodiversité plutôt régionale, plutôt locale, pour que les gens s'approprient beaucoup mieux cette reconnaissance de cette biodiversité qu'on a au fond de son jardin ou au bord des chemins. Et puis, par ailleurs, on essaie aussi de faire en sorte que les gens soient un peu plus sensibles au jardin, à des techniques alternatives, des pratiques plus respectueuses de l'environnement, ce qu'on appelle communément le jardin biologique ou le jardin naturel. Et quel a été le déclic pour justement monter cette association? Je crois que vous n'êtes pas très nombreux. Alors non, on est une très très petite équipe, mais l'intérêt de cette association, c'est qu'au fil des années, elle a su créer son réseau de relations et elle repose, alors forcément on est très peu nombreux, mais c'est surtout la richesse de l'association, c'est surtout le fait que chaque fois qu'on a besoin d'avoir des compétences, qu'on a besoin de faire appel à des gens qui ont un savoir-faire, on sait vers qui se tourner, c'est des gens avec qui on est vraiment en échange, on sait aussi nous rendre un peu l'appareil quand on peut le faire. On est vraiment dans quelque chose d'assez altruiste et cette notion d'échange et d'échange de savoir, de savoir-faire. Je crois que vous êtes partenaire avec le Naturopter qu'on a reçu la semaine dernière. Oui, alors partenaire voudrait dire qu'on a contractualisé les choses, alors que c'est pas le cas. Ouais. C'est vrai que Joseph, qui est venu la dernière fois dans notre studio, est quelqu'un qu'on connaît très bien et qu'on côtoie très souvent à travers différents événements que eux montent, le Naturopter monte, ou que nous organisons. On se retrouve sur des événements communs. Là, on va se retrouver sûrement à une ou deux occasions dans l'année, certainement à Sérignan, ou alors pour la manifestation que prépare bientôt le conseil départemental. Donc voilà, c'est déjà, alors voilà, le Naturopter, mais aussi tout un tas de personnes, de gens, que ce soit dans le milieu du jardin, naturaliste, mais aussi des artistes. C'est un petit peu à l'image de ce que l'association est, c'est-à-dire qu'on essaye de donner une grande ouverture sur la notion de jardin. On va faire une petite pause et on reparlera de tout ça. Fly FM. Ici, les petites bonnes avec le temps. Thank you. 89.9 avec Christophe de l'association Les Primpenelles, une association qui a été créée en 2007. Et Christophe, j'aimerais bien savoir comment ça a commencé tout ça. Alors, avec Michèle Crapone, pour laquelle je ne pourrais pas passer sous silence son nom, parce que c'est avec elle que j'ai créé l'association. En 2007, en fait, on a eu envie de faire un troc aux plantes. Ça partait d'une idée, de quelque chose d'assez spontané, d'échange, de convivialité. Et donc, on s'est retrouvés à organiser ce premier troc aux plantes qui a eu pas mal de succès, alors qu'on partait de rien, une page blanche. Et puis, à ce jour, on en est à notre 18e troc aux plantes. Donc, 18 troc aux plantes après, on a une expérience sur la chose. Et ça reste quelque chose auquel on tient par-dessus tout. Et c'est le troc aux plantes est toujours présent dans tous les événements qu'on a organisés. En parlant de troc aux plantes, je crois que vous avez une formation. Formation de troc aux plantes? Non. Votre métier au départ, c'est quoi? Alors, mon métier... Je suis infirmier psychiatrique. Ah bon, ça rien. Je crois. Non, vous n'avez pas parlé de quelque chose ou vous connaissiez les plantes ou quelque chose comme ça? Non. Alors, j'ai mal compris. Oui, c'est peut-être moi qui me suis mal fait comprendre. Bon, on va. Donc, en fait, le troc aux plantes. Donc, ça a commencé en 2007. Voilà. Et d'après ce que j'ai compris, avec les plantes, on peut faire plein de choses. Entre autres, on peut en manger. Voilà, alors ma collègue Michèle Crapone est plutôt spécialisée justement dans les plantes sauvages comestibles. Elle est botaniste, elle fait partie de la Société botanique de Vaucluse. Et donc, quand elle fait des animations passionnantes, en fait, c'est une manière de montrer justement ces fameuses mauvaises herbes qui ne sont seulement que des herbes. Et que nous arrachons des fois. Et en fait, les mauvaises herbes, c'est juste des herbes qu'on ne connaît pas. Alors, il n'est pas dit qu'on veuille que tous les gens mangent des herbes sauvages, mais c'est juste une manière de les remettre un petit peu en lumière et de montrer qu'elles ont une place par moment et qu'elles peuvent avoir tout un tas de qualités. Donc, ma collègue fait justement ce travail de reconnaissance des plantes. Les animations, c'est les plantes fraîches. Et puis après, un herbier qu'elle construit aussi. Et puis, la dégustation de plats avec les plantes qui sont présentées. D'un seul coup, les gens se reconnaissent la fameuse plante. Oui, ça, je l'ai dans mon jardin. Et puis, d'un seul coup, ils l'ont en bouche. Et puis, voilà, une discussion commence à naître autour de ça pour après aborder de manière beaucoup plus large la notion de biodiversité, l'écosystème. On va faire une petite pause. Après, on parlera de votre livre avec les recettes à base de plantes. Doing it all night, all summer. Doing it. couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Now I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac AID et monsieur Christophe, voilà, de l'association Pimprenelle. Mais avant de reparler avec Christophe, je voudrais vous dire qu'on a 6 places à gagner pour le concert de Best Art à Château-Renard. C'est à la salle de l'Étoile, c'est à 20h30 et c'est je ne me rappelle plus. Il faut téléphoner, Claude? Oui, il faut téléphoner. Je crois que c'est ce vendredi. Il faut téléphoner ici au 0490. C'est à partir de jusqu'au... C'est jeudi soir le concert. C'est jeudi soir alors. À 20h30 à la salle de l'Étoile à Château-Renard. Et on a 6 places à gagner. Et il faut téléphoner au 04 90 40 16 90. Ou alors la page... Oui, jusqu'à 11h. Ou après-midi. Pierrick, oui. Après-midi. Ou alors sur notre page Facebook, vous donnez votre nom et voilà. Bon, Claudia, on revient aux plantes. Allez, on revient aux plantes. Là, je suis oui, là, dans le concert. Et donc, Christophe, vous, je pense que vous êtes formé sur le tas. Vous n'êtes pas un spécialiste du jardinage. Ouais. Enfin, vous êtes comme moi, quoi. Non, tout à fait. J'étais un jardinier lambda. Et puis, voilà, on a organisé ce troc aux plantes. Et puis, petit à petit, on ne sait plus à vouloir justement partager des choses. C'est le principe fondateur, c'était le partage, la convivialité. Et puis, petit à petit, il y a aussi la notion de transmission. Du savoir, oui. La transmission du savoir et des savoir-faire. Et c'est en croisant des gens qui avaient de réels savoirs et des savoir-faire. Moi, j'avais peut-être ce petit talent d'organisateur, ou de volonté de le faire, du moins. Et c'est en croisant toutes ces personnes multiples, avec des compétences incroyables, on a pu mettre en place petit à petit, à côté des trocs aux plantes, des programmes où effectivement on permettait au grand public d'appréhender ces notions de biodiversité, de pratique au jardin, enfin, de respect de l'environnement, voilà, surtout. Tout ça. Et donc on se retrouve presque 8 ans après à faire maintenant des événements assez importants. Le troc aux plantes est toujours là. mais les programmations sont maintenant beaucoup, beaucoup plus denses. Quoi. Qu'est-ce que vous faites tout au long de l'année pour justement sensibiliser? Est-ce que vous allez dans les écoles voir les écoliers pour leur apprendre? Alors, bon, on n'a pas la vocation à vraiment faire ce travail, d'autant que, bon, on est bénévole, donc... Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on essaye, c'est d'avoir cette multiplicité de médias, de supports, pour faire passer ce métier. Aujourd'hui, je suis chez vous. Bien sûr. Par moment, je fais quelques articles dans des journaux. Yo-Yo, Fanzio, enfin, notamment des journaux... Des journaux gratuits qui sont justement à la portée de tous. Et on les trouve, ces journaux? Oh ben c'est des journaux qu'on trouve dans tous les points, c'est de la distribution gratuite, donc on peut en trouver dans les magasins bio. Enseignes, voilà. Pas forcément les magasins bio, non, c'est quelque chose qui est largement diffusé. Où il y a plein d'informations intéressantes pour la famille, culture, enfin voilà. Donc voilà, depuis 2 ans, je fais quelques articles là-dedans, dans ces revues. Et puis après, c'est des stands, des animations, des ateliers sur des événements comme Plantes rares, Jardin naturel à Sérignan. J'étais à Chambéry pour les journées, les rendez-vous au jardin cet été. Et puis, la fête de la biodiversité du Thor. Et puis après, on peut faire aussi des animations comme j'ai fait cette année, Altin et Palu, avec le Naturopter. On a fait des sessions pour une classe de CP. Alors c'était une expérience tout à fait nouvelle pour moi, mais c'est vrai que c'était passionnant d'essayer de transmettre à ces gamins tout petits quelque chose. Alors peut-être qu'ils n'en feront pas quelque chose tout de suite, peut-être quelque part, à un moment donné, ça va revenir. Et puis les gamins, c'est aussi une manière de sensibiliser les parents. Bah, oui, tout à fait. Donc c'est un peu une courroie de transmission assez intéressante. Alors ils leur cassent les pieds pendant un moment, les obligeant de fermer l'eau et en triant les déchets. Mais voilà, ils oublieront à un moment et puis ça reviendra peut-être à un moment donné. Donc voilà, il y a tout ce travail. Et puis après, on crée nos propres événements. Donc on a créé des événements comme la fête de la biodiversité aux Angles, un après-midi au jardin à Château-de-Gadagne, maintenant le jardin d'automne, qui est le plus gros événement qu'on organise avec 3000 personnes dans la journée. Ça fait quand même du monde. Voilà, ça commence à faire du monde. Et puis surtout, c'est les programmations qui sont très denses et importantes. Quoi. On va faire une pause et après on reviendra à vos recettes de plantes. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. J'ai posé mes chansons sur des sols étrangers. J'ai posé en passant sur ta bouche un baiser. Les joueurs de mandoline et les gens sans papier. Parfum de gasoline sur des plages bétonnées. J'ai posé mes chansons sur des sols étrangers. T'as posé en passant sur ma couche un bébé. J'ai regardé la terre, elle avait dans les yeux des prisonniers de guerre, des enfants malheureux. Combien de temps, combien de gens, combien de vies déchirées. Combien de toi, combien de moi, combien de nous. Prières s'envoler, je garde dans le cœur un oiseau liberté. Je n'ai jamais cessé mon amour de t'aimer. Combien de temps, combien de gens. Fly FM 89.9 avec toute l'équipe et Christophe de l'association Les Primpenelles de Châteauneuf de Gadagne. Christophe, nous étions en train de parler tout à l'heure des manifestations que vous avez faites. Et la prochaine manifestation, c'est quoi? Vous pouvez nous le dire? Manifestation qu'on organise, il semblerait que ce soit Jardin d'automne. Donc, alors on est en train de voir pour la date, pour essayer voilà, de. Voilà, j'allais vous demander, vous savez. Voilà, on va. Normalement, c'est toujours le premier dimanche d'octobre, mais comme on est en même temps avec d'autres événements qui ne sont pas tout à fait à côté, mais qui ne permettent pas à des animations ou à des pépiniéristes de venir chez nous, donc on va peut-être décaler au dernier week-end de septembre. Bon, ça serait pour 2017 alors. 2017, voilà. Alors après, voilà, on va aussi être partie prenante d'un événement qui est organisé par le conseil départemental au mois de juin. Et on va voir si on organise un troc aux plantes au mois de mai. Mais il est vrai qu'on est aussi appelé à faire plein d'animations à différents endroits, dans différents événements. Donc tout ça, c'est. Oui, ça se fait petit à petit. Voilà, on se laisse un petit peu des pages ouvertes. Et puis après, on nous sollicite. Et puis on dit si on peut, si on veut. Après tout. Si vous êtes libre. Ouais. Puis si on a envie. Il faut que ça marche sur l'envie, quoi. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles pour compléter votre petite équipe? Alors, bénévoles, en fait, c'est vrai que comme on est plutôt sur de l'événement, ancien, il est évident qu'on a toujours besoin de bénévoles. Ah, c'est au cas par cas. Mais c'est vraiment, voilà, il est évident que l'organisation d'un événement comme le Jardin d'automne, vu l'ampleur, plus ça va, plus effectivement l'équipe restreinte, quand on prépare cet événement, ça commence à avoir des limites. Et pour perdurer, mais effectivement, il faudrait qu'on ait quelques bénévoles qui veuillent bien. Maintenant, après, on peut aussi proposer des choses au courant de l'année, mais on est vraiment que sur de l'événementiel du coup par coup. Mais bon, vous êtes ouvert. Toutes les personnes qui se proposeront, pas forcément qu'elles aient des compétences pointues, mais une envie. Oui, ça part d'une envie, je crois. Bien sûr, c'est comme tout. Ouais. Voilà. Ouais. Surtout dans le milieu associatif, c'est surtout important. Ça. Alors, justement, en parlant d'envie, on est au mois de décembre. Moi, j'ai envie justement de faire quelque chose dans mon jardin, d'être utile. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire en cette saison déjà? On peut mettre éventuellement des trucs pour les oiseaux, je sais. Oui. Des petites maisons, là. Mmh. Et puis, si vous avez des idées, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Alors, bon, je vais essayer de rebondir sur le dernier article qu'on avait fait sur Yo-Yo dernier moment. C'était. En fait, voilà. Nous, en ce moment, on essaye de faire en sorte de revenir un petit peu à la base de tout. Et la base de tout, c'est la terre. C'est de là que tout vient. Hein. Donc, je pense que actuellement, ce qui est très important, c'est de plutôt que d'essayer de nourrir les plantes tout au long de l'année, quand on les veut bien et tout, il faudrait essayer de nourrir la terre, de prendre soin de la terre. Et c'est après, elle va nourrir les plantes qu'on y met. Mais cette terre, il faut en prendre soin. Notamment en hiver, il faut essayer de couvrir les sols le plus possible. Du coup, avec paillasses. Alors, c'est vrai qu'on y passe beaucoup l'été paille, par rapport à l'arrosage, par rapport au dessèchement et tout. Mais l'hiver, c'est très important parce que ça évite ce délavement des terres, la terre qui est battue par le froid, les pluies. Et l'importance du sol se trouve dans les 10 premiers centimètres à peu près, quoi. C'est là qu'il y a toute la vie microbienne, les vers de terre. Et lorsqu'on couvre un sol, en fait, on maintient un petit peu le sol au chaud. On évite cette notion de terre battue, de terre bétonnée. Et puis, en couvrant le sol, ça va être de quelque chose. On va couvrir donc avec des paillages, ce qu'on appelle le BRF, le bois fragmenté. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Tout un tas de. Voilà, on peut faire aussi du compostage en couvert, comme ça, pas composter ses déchets, mais couvrir le sol avec ses déchets au fur et à mesure. Tout ça, de toute façon, sera assimilé petit à petit par le sol. Mais c'est surtout qu'au printemps, quand on va retrouver cette terre, elle va être à nouveau grasse, granuleuse, riche. Et souple. Et souple, surtout. Mmh. Voilà, souple. Et l'important, c'est de prendre soin du sol. Je ne savais pas, c'est ça qu'il fallait principe protéger. De base que j'aimerais faire. Ah, hein. On a tendance à couvrir les fleurs pour le froid. Ben ah ouais, mais pareil. Ouais. Voilà, alors. Voilà, on va faire une petite pause et après on parlera du livre. Et où c'est qu'on peut vous contacter? Page Facebook. Voilà, si on veut venir vous. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Ne m'oublie pas sur la porte, au milieu de tes clés. Ne m'oublie pas sous la flotte d'un parapluie mouillé. Ne m'oublie pas au fond. Ou dans un vieux cahier. Ne m'oublie pas sur ta bouche à en perdre tes mots. Ne m'oublie pas quand tu touches une autre avec ta peau. Ne m'oublie pas ailleurs. Les idées traînent dans la semaine. Moi, je n'insiste pas. Je te connais pas. Sur la ligne 12 du métro, ne m'oublie pas sur la pelouse en l'honneur d'un râteau. Ne m'oublie pas enfin dans la lumière face au destin. Ne m'oublie pas à l'époque où je n'existe plus. Ne m'oublie pas dans tes poches, petits boutons perdus. Ne m'oublie pas dehors, hors de tes rêves, la réalité. Moi, dans le mar de café. Ne m'oublie pas, pas toi. Si ça s'y prête, pas dans l'immédiat. Ne m'oublie pas n'importe où, où je vais y passer. Ne m'oublie pas au mois d'août, je vais me liquéfier. Ne m'oublie pas au hasard, dans ta mémoire. Où m'as-tu caché? Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac à idée et l'association Pimpronel. Et avant de reprendre, enfin de conclure, je voudrais vous dire qu'on a 6 places à gagner pour le concert jeudi à 20h30. C'est Bess Art à Châteauneuf-du-Pape à la salle de l'Étoile. Alors si vous voulez téléphoner, c'est le 04 90 40 16 90 jusqu'à 11h ce matin et après-midi. Pierrick vous répondra avec sa jolie voix aimable, oh oui, et charmante. Puis vous le faut l'inviter, ou alors sur la page Facebook. Vous. Voilà, donc nous revenons à nos moutons. Alors, Christophe, donc je crois que vous avez édité un livre de recettes. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors, édité est un bien grand mot. On a créé et tiré et fait un tirage d'un livret. Alors, c'est un livret qu'on a fait il y a 4 ans et qu'on retire régulièrement. Michel, c'est Michel qui l'a fait. C'est un livret de recettes à base de plantes sauvages, qui a la particularité d'être en français et en provençal, puisque Michel est aussi fait libre. Donc c'est juste un petit livret qui permet d'avoir quelques recettes de plantes tout à fait de chez nous, qu'on peut trouver dans son jardin, à l'état sauvage ou dans les chemins, et une manière de savoir comment les cuisiner. C'est juste une manière directe ou indirecte de valoriser des plantes dites indésirables, qu'on arrache sans trop savoir. En fait, on retrouve là-dedans des ancêtres de l'épinard, comme le kénopode, ou tout un les tas d'autres. Les oignons sauvages, peut-être, aussi. Oui, ouais, ça, j'en ai d'abord. Voilà, mais bon, ça pourrait être la pimpronelle, par exemple. Voilà, la pimpronelle, il paraît que ça a un goût d'huître. Voilà, qui, quand elle est cuisinée, un petit coup d'huître. Et puis, tout un tas de plantes. Bon, là, voilà, il y a quelques... une vingtaine de recettes. Quand même, oui. Alors que, bon, il y en a bien, bien, bien plus de recettes et de plantes à cuisiner. Comment peut-on l'obtenir, ce alors, petit fascicule? Alors, on nous contacte sur le site internet lespimprenelles.com ou sur notre page Facebook, Les Pimprenelles. Voilà, on est assez réactif, on a une messagerie qui tourne bien. Donc, il suffit de le demander, il coûte 7 euros. D'accord. Donc, et voilà. Je voulais vous dire, est-ce que votre livre Yo-Yo, on peut l'avoir sur Internet ou est-ce qu'on peut aller si on veut lire justement vos nouvelles Yo-Yo, vous le trouvez dans tous les lieux de passage accessibles au grand public, c'est un gratuit. Même ici, sur Monteux, Il est sur toute une grande partie de la région, tout autour d'Avignon, que ce soit dans le Gard, un peu dans la Drôme. Ah d'accord, autant et que ça. Et une partie des Bouches-du-Rhône et pas mal sur le Vaucluse, donc Yo-Yo et Fanzio, vous les trouvez un petit peu partout. D'accord. Vous allez dans les... Je pense que si vous allez à l'entrée de la de Cultura, par exemple, il y est. Ah, d'accord. Un petit peu de partout. Hein. Ok. Moi, je voulais dire aussi que pour si vous recherchez des bénévoles pour des manifestations, pareil, vous contactez sur Facebook. Voilà. Alors, bon, je ne veux pas avoir l'impression de chercher d'un maintenant. Non, pas du tout. Mais non, vous inquiétez pas. Des gens qui seraient passionnés par... En fait, c'est un vrai partage. Quand on monte un programme, moi, je le prends surtout comme ça. Le jour où l'événement a lieu, évidemment, il a lieu, donc on est un peu dans la machine. C'est tout le cheminement qui amène à l'événement qui est passionnant. Parce qu'on rencontre des gens, on va voir des spectacles, on croise des personnes qui... Voilà, et c'est surtout le cheminement. Après que la fête soit réussie, c'est bien, mais le cheminement pour y arriver est aussi passionnant. Moi, je crois qu'on peut conclure, vous avez fait de belles rencontres. Tout à fait. Vous avez envie de continuer. Donc, on va faire une pause. Après, on continue notre petite cuisine à nous. Et à la fin, vous récapitulerez vos... Et si on a oublié de dire quelque chose, voilà. Il passe l'antenne. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. Thinking that I want you instantly. Only known you for a minute, but it's good enough for me. Yeah, I know it'll be amazing when we're lost in symmetry. So let's dive into the lightning. Wanna set your body free. So up when it's behaving, no matter what they say, it's only love and nothing in between. Lately I've been thinking that I want you instantly. Only know you for a minute, but it's good. It's only love, love, love, love. Don't be afraid. Let the I've been feeling, my heart's been amplified. It's only you, it's only me, it's only love. Take it slow, so it's time we stop pretending. I know you can't let me go. Yeah, I know it will be amazing when we're lost in symmetry. I wanna dive into your ocean, let it wash all over me. So I'm on misbehaving, no matter what they say. It's only love and nothing in between. Lately I've been thinking that I want you instantly. Only know you for a minute, but it's good enough for me. It's only love, love, love, love. Don't be afraid. Lately I've been feeling that my heart's been amplified. It's only you, it's only me. bienvenue sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac à idées. Et Alain va nous parler d'un livre. Oui, alors, j'ai eu le plaisir de voir que le tome 7 de Autre Monde, de Maxime Chattam, était sorti. Il s'appelle Genèse. Alors, Autre Monde, c'est une héroïque fantaisie qui est commencée en 2012 avec l'Alliance des Trois. Dans un récit aussi passionnant que la saga Harry Potter, mais n'ayant bénéficié d'un battage publicitaire plutôt minime. Chattam s'adresse à un public allant de l'adolescent à l'adulte qui a conservé une âme d'enfant. Alors l'histoire commence ainsi. Personne ne l'a vu venir, la grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles à la recherche de leur proie qu'ils tuent ou transforment. Après leur passage, Matt et Tobias se retrouvent sur une terre ravagée, différente. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre et survivre dans cet autre monde. Alors, ils vont vite comprendre que la nature s'est révoltée et a décidé de reprendre aux adultes destructeurs le pouvoir sur la terre en laissant aux enfants le soin de recréer une civilisation plus respectueuse. Mais tous les adultes n'ont pas disparu. Et les survivants, ou plutôt ce qu'ils sont devenus, sont prêts au pire pour garder le contrôle. Alors c'est une idée de cadeau de Noël. Moi je dis pour les fans de lecture, ça existe en version papier. Les 6 premiers tomes sont même en livre de poche. Et ça existe évidemment en version e-book. Alors n'hésitez pas, c'est un cadeau. N'hésitez pas à lire français, ça changera un petit peu. Oui, non, puis Chattam, j'aime bien. C'est génial. Oh. Voilà. Et toi, tu voulais nous parler d'un film. Je vais c'est d'abord juste dire quelque chose, oui. Là, parce qu'on avait reçu la dame l'année dernière, et j'ai, moi, tu sais, les animaux, c'est mon truc aussi. Ah oui. Sachez que vous avez deux portes ouvertes à la SPA, de Lille sur la Sorgue et de Piégon. Alors, Piégon, je ne sais pas où c'est. C'est dans la Drôme. Dans la Drôme, Claudie. C'est ce samedi 10 décembre de 10h à 17h30 et ce dimanche 11 décembre de 14h à 17h30. Évidemment, si vous adoptez un animal, ce n'est pas quelque chose qu'on met après dehors. Ce n'est pas un joujou. Ce n'est pas un joujou, ce n'est pas un jouet. C'est quelque chose qu'il faut garder jusqu'à sa mort. Oui. Ça peut durer 15 ans et plus. Et ils font aussi une tombola au profit des animaux et ces tickets sont à vente au refuge du Petit Bijolet et à le magasin Oscar et Cléo au Thor, avec à gagner un panier gourmand, ainsi de suite. Voilà. Donc n'oubliez pas, il y en a malheureusement un peu trop d'abandonnés. Exactement. Tu veux que, vas-y Claudie, tu veux que je parle de mon film? Oui, si tu veux. Bon, excuse-moi, j'ai fait ce parenthèse. Ah non, mais t'as bien fait. Je sais que de toute façon, tu es dans ce cas-là aussi. Tout à fait. Donc moi, je vais vous parler de moi, Daniel Black, un film qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes 2016 et 4 nominations aussi au Festival du Film Européen en 2016. Il est sorti le 26 octobre et c'est l'histoire, d'abord un film de Ken Loach avec Dave Jones et Hayley Squire. Excusez-moi l'anglais, moi, j'espère que je n'ai pas fait de faute. Avec l'accent provençal, c'est irrésistible. Non, ça, je ne renie pas mon accent. C'est un drame. Donc, c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Daniel Blake, qui est atteint d'une maladie cardiaque et qui est menuisier, qui ne peut plus travailler. Et l'administration n'entend pas de cette oreille. Donc, il doit rechercher un emploi sous peine de sanction. Il a 59 ans. Il doit se débrouiller tout seul avec un ordinateur. Donc, on sait ce que c'est, il y a certaines personnes là. Il croise le chemin de Cathy, une femme célibataire qui a 2 enfants et elle a dû quitter sa ville natale pour ne pas être placée dans un foyer d'accueil. Ils vont se serrer les coudes, il va décrocher un emploi et il va falloir qu'il renonce à ses problèmes de santé. Il engage une bataille contre l'administration, les aberrations de l'administration. D'ailleurs, on s'en moque un petit peu dans ce film. C'est une œuvre magnifique et bouleversante avec une mise en scène réaliste, des plans séquences énergiques, rythmés, des dialogues. C'est hilarant, c'est un film qui parle de nous et de la nécessité. Monique, on va faire la petite pause. La nécessaire et le. Excusez-moi, un film qui parle de nous. Et ça peut repenser aussi au film Les raisins de la colère de notre temps. C'est un beau film. Voilà, mais ça se passe en Angleterre. Et ça se passe en Angleterre et c'est, je pense, sur la classe sociale du milieu. D'accord. Et c'est donc sur les problèmes liés à la vie de tous les jours avec l'administration qui, des fois, ne comprend pas tout. Tout à fait. Voilà, il est très engagé. Ken Loach qui touche le monde, vraiment le monde réel. Je pense que quand on sort de ce film, ça doit nous faire réfléchir. Ah. Voilà. On fait une petite pause, on se retrouve tout à l'heure. Fly FM. Fly FM. Fly FM. that you are. I'm yours, even if time has passed. Take me. Sur Fly FM 89.9 et donc je voulais vous dire, nous avons 6 places à gagner. C'est un concert de Best Art qui aura lieu jeudi à 20h30 à la salle de l'Étoile à Château-Renard et c'est sponsorisé par le sonographe du top. Voilà, la dame nous a gentiment proposé 6 places. Alors si vous voulez gagner, vous téléphonez au 04 90 40 16 90. Apparemment, ce n'est pas à gagner sur la page Facebook. Et après-midi, Pierrick vous répondra. Et nous, sinon, nous sommes là jusqu'à 11h. Donc, si vous voulez gagner, ça serait dommage de perdre ces places. Et moi, je voulais parler d'une sortie culturelle. Dans le cadre Soif de culture, la ville de Monteux offre un spectacle pour les petits et les grands enfants. C'est à la salle du Château d'Eau. C'est le lundi 19 décembre à 15h. De 15h donc à 16h30. C'est le mécano du Papa Noël, pour changer un peu. Et le Papa Noël, le mécano du Papa Noël, c'est un lutin qui n'a pas beaucoup de travail. Effectivement, le traîneau ne tombe jamais en panne, le pauvre. Donc, si vous voulez y aller avec vos petits, le tarif, c'est plein, c'est 4 euros. Donc, bon, c'est quand même sympa, hein. Et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Voilà. Si Alain a quelque chose, je pense, à nous proposer à Carpentras. Oui, alors, samedi, sur le parvis de la cathédrale Saint-Siffrin, à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h, il y a la pastorale des Santons de Provence par les jeunes de l'espace Don Bosco. Alors, le spectacle dure une demi-heure, c'est gratuit. Et les entractes sont assurées par les tambourinaires du comtat. Très voilà. Bien. Oh ben, on reste toujours dans les thèmes de Noël. On y est là. Il y en a de partout. Donc, sachez que bon, il y a Sarian, il y a trois jours, vendredi, samedi et dimanche. Bon, ben, au sein de Sarian, il y a la salle des expositions. Il y aura les chalets, il y a le manège pour les enfants. Il y a des animaux et puis le dimanche, si vous voulez, vous avez la veillée. Enfin, il y a les chants de Noël de la chorale Esculo du Ponte de Sourco. Bravo. À la mairie. À l'église. Suivi d'une descente au lampion, de la fougasse et du vin chaud. C'est le marché de Noël donc. Il y a le marché, il y a les ânes, il y a le Père Noël qui va arriver samedi, il y aura des mini-vélos, des sculptures, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des ventes de produits artisanaux, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi, je crois, Christian et Étienne qui est là le vendredi 9 à 18h30 pour l'ouverture. D'accord, et qui c'est Christian et Étienne? Christian Etienne, c'est un cuisinier qui a un restaurant. Ah d'accord. On va pas dire où. Ok. Oui, ça me disait quelque chose. Bon, on fait une petite pause. Allez, à tout à l'heure. Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM. We'll be right back. vous sur Fly FM 89.9. Et elle atterrit. Non, je suis en train de dire que chez mon casque, d'un coup, j'ai l'impression qu'il ne marche pas. Alors moi, si vous voulez, vous avez à Aubignan, le jeudi 29 décembre, un concert de gospel qui on est gratuit. On a le temps, là-haut, 9 décembre. Ben oui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus ça, parce que ça me fait le gospel. Oh, t'as raison, t'as raison. C'est à l'église, c'est à 17h30, il y a une entrée libre. C'est une participation au chapeau au profit de l'association paroissiale. Au chapeau de... Ça veut dire quoi? Eh bien, vous donnez ce que vous voulez. Ah, d'accord. Ah, ben oui, j'apprends plein de choses aujourd'hui. Alors, je précise que l'alcool est à consommer avec modération parce que, de nouveau, là, il y a du vin chaud. Voilà, et que Christian Etienne, c'est un grand cuisinier et j'avais pas fait tilt. Voilà. Voilà. Peut-être qu'il y a Sarian, je précise, et il y a aussi M. Gondran qui est de Sarian. Et il était prévu M. Messonnier, ça je ne sais pas si... Ah d'accord, bon. Ils vont faire un concours là, hein. Je ne sais pas lequel qui va gagner. Moi j'ai mangé les fougasses, je te le dis. Ah oui, j'adore ça. Donc il y a le vin chaud à consommer avec modération. Le 29 décembre, donc il y aura du vin chaud et des boissons et qui seront servis après ce concert. Et le concert est donné par le groupe Joyfully Gospel. D'accord. Le 29 décembre à 17h30. Oui, donc on peut prendre le temps de prendre rendez-vous. Et moi, je voulais vous parler du 10 décembre à Monteux, il y a le Petit Bazar. Alors, c'est une après-midi récréative, c'est fait par les commerçants de Monteux, avec les artistes de Monteux, qui vendent des tableaux, des sculptures, des poteries, à tous les prix. Voilà. Et en plus, de 15h à 19h, ça se passe. Il y a atelier maquillage, sculpture de ballon, promenade en calèche, c'est gratuit. Vin chaud à boire avec modération. Chocolat chaud à boire sans modération. Voilà, c'est offert par le comité des fêtes. Bref, et en plus, il y a la visite du Père Noël. Ben, ce Père Noël a du travail. Mais il est partout. Hein. Ah là là là là. Bon, je t'écoute. Ben, où m'amènes-tu ? Non, sachez que ce vendredi, je crois que c'est à 18h30, je t'avais parlé d'une conférence sur la psychogénéalogie à la médiathèque de Sarian, si vous voulez y aller. Par contre, je crois qu'il faut réserver les places et je peux redonner le téléphone de la médiathèque, c'est 04 90 65 47 06. C'est à 18h30. Ça doit être intéressant, oui, c'est vrai. Et moi, je vais vous dire de ne pas oublier les Noëls insolites de Carpentras avec des spectacles de rue. L'ouverture, c'est le 10 décembre. Spectacle déambulatoire, Gandia, la fameuse cygne. Le 11, la famille Rostopovitch. Spectacle de marionnettes. Les agents de la PAC, brigade de police imaginaire, etc., etc. Et la clôture se fera fin décembre, début janvier, je crois. Spectacle féerique, trapéziste, ballet. Tous ces spectacles loufoques, irréels, tous les week-ends à Carpentras. Pour en savoir plus, vous allez sur le site de Noël Insolite à Carpentras 2016. D'accord, voilà. Claudie. On se fait une pause ? Oui. Voilà. Et je crois qu'après, on aura quelques petites courses. Eh ben non. Quelques-unes. Ah, tu m'as dit qu'il n'y en avait pas. Non, ils ne sont pas tous congelés, les cours. À tout à l'heure. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. Des rues de Mexico, au carnaval de Rio, on ne peut pas se manquer, partout on entend l'écho. Dans quelques heures on sera dans les airs quelque part, je n'emporte que tes bras et sur mon dos ma guitare. Et maintenant tu t'entêtes, sois légère comme une plume. Laisse-toi tomber en arrière, aie confiance en tes airs. Suis-moi, suis-moi sur la lune. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be d'Hawaï sur le palmier de Dubaï. À deux on imaginait un petit monde à notre taille. Allons faire le tour du monde et pas dans quelques secondes. Pas le temps d'hésiter, de nous faire tourner en rond. On avait ce rêve en tête. tête et maintenant tu t'entêtes. Sois légère comme une plume. Laisse-toi tomber en arrière et confiance en tes ailes. Suis-moi, suis-moi sur la lune. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. Alors, de nouveau sur Fly FM avec 89.9, Monique, si tu veux nous parler des courses, parce que depuis tout à l'heure, si vous saviez tout ce qu'elle me dit comme bêtise. Bon, ben, tu n'es pas la dernière non plus. Hein. Non, heureusement qu'avec Pierrick, on est là, hein, et Alain. Hein, Allez, comme je disais tout à l'heure, la terre est au repos, alors les sportifs sont, le sont également repos. Un petit peu, je ne vous annonce pas grand-chose en course. Vous avez le dimanche 18 décembre, le coup de pied de la mule, c'est une course à pied à Châteauneuf du Pape. Du Pape. C'est un 10 km. Voilà, mais là, les places, de toute façon, sont... sont pleines. Pleines depuis quelques semaines. Depuis quelques temps, tu nous donnes un drôle de nom pour les courses. Hein. Ouais, les coups de pied de la mule. Et je vous parle également d'une sortie VTT. C'est le samedi 17 décembre, au Rock, le Rock des Alpilles à Saint-Rémy. Vous avez quatre distances, le 15, le 20 km pour les initiés, le 30 km pour les confirmés et un 40 km pour les experts. Voilà, en course, vous voyez, c'est un ouais, peu... Ouais, ils sont un peu au repos. Les... Il faut dire, il fait froid, c'est bientôt les fêtes. Ah, ils vont redémarrer au mois de janvier. Au mois de janvier pour perdre pour digérer, leur calories. Vous aviez quelques infos, Christophe, également. Voilà, ben on va dire au revoir à Christophe. Il va nous dire comment on peut le contacter. Et on a oublié de parler de... Ah oui, ben alors vas-y. Sinon, j'allais dire à Monique, elle a oublié de nous annoncer le prochain invité. Elle le dira après. Après, d'accord, Christophe. Alors, excusez-moi. Oui, alors, juste pour dire, ben, écoutez, vous pouvez retrouver notre agenda... de l'association du Pimprenel sur notre site internet, lespimprenel.com. On a aussi une page Facebook. Voilà, quelques rendez-vous. On sera présent avec le stand des auxiliaires du jardin et des hôtels à insectes à Sérignan-du-Comtat en avril, à Jonquière au mois de mai dans le cadre de la fête de la nature. On organisera sans doute jardin d'automne au mois d'octobre ou fin septembre. La date est à préciser. Et puis, si vous allez sur notre site internet, vous retrouverez au fur et à mesure les différentes animations et interventions que nous faisons et proposons. Voilà, oui, c'est facile d'y aller. Il est bien fait, je trouvais. Je me suis régalé d'aller sur votre site et votre page Facebook. Je crois que moi, elle est amoureuse. Bon. Non, elle active aujourd'hui. Non, c'est ça. Dis-moi, qui c'est qu'on reçoit la semaine prochaine. Alors, je vous invite déjà à réécouter cette émission qui sera rediffusée vendredi 9 décembre à 14h. Et la semaine prochaine, le 14 décembre, nous recevons Anime Handicap. Voilà, c'est une association qui aide les handicapés dans la vie courante. Très bien. Voilà, écoutez, je vous dis bye bye, merci. Au revoir Christophe et merci d'être venu. Merci à l'équipe. Au revoir Josie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir. Sans problème.